assis, les amours en mal habillés, et c'est le temps qui assassine, assassine tous ceux qui se croient malins et qui seront seuls demain matin à éponger leur chagrin, le chagrin. Se moque bien de nos amours de terre, et le ciel se fout de tout, se fout de vous, se fout de nous. Reste la boîte de Kleenex, le grand saut dans le vortex, où les amours piconex, piconex. Se sent seul, ça le meurtrit.